de Silo hen à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hen à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour Hent ar Brezhoneg. On est rendu pour l'émission Guerriou ar Vuhez à l'émission 437, Perran 16 à Trégon. Voilà. Madé Henri, quel mot on voit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on emploie très souvent, Bern. Mm-hmm. Bern, hein, qui est un vieux mot celtique qu'on trouve également en cornique et en gallois. Hein. La forme celtique ancienne aurait été Bergen, et qui veut dire un tas. Au Bernquat, hein, un tas de bois, au Bernplus, un tas de paille, au Bernvoen. Hein. Et alors, ça a le sens, deux sens qui se rejoignent, mais qui sont un petit peu différents quand même. C'est aussi beaucoup, hein, beaucoup de. Hein, au Berntud, par exemple, hein, il y avait toujours cette plaisanterie, au Berntud, ouais, et on répondait Kalsedun, mais Wanke Bernie. Il y avait du monde, mais ils n'étaient pas entassés, quoi. Mais en fait, ça veut dire le tas, l'amas, le monceau. Hein, il y a plusieurs sens comme ça, voisins. Et puis aussi synonyme de beaucoup. Hein. En ouais. Français aussi, on dit un tas de choses. Ouais, c'est, ça veut dire ouais, beaucoup aussi. Oui, mais en français, c'est quand même une relation directe avec le mot tas, tandis qu'en breton, c'est vraiment dire beaucoup de quoi, mm-hmm. Hein, beaucoup de. C'est l'équivalent de calze. Hein. Voilà. Au Berntud, au Bernlonded, hein, au Bernlonded, au Abahomis, NDL, hein. Voilà, il y avait beaucoup de bêtes au commis, hein. Voilà. Et tandis que le sens propre, hein, c'est plutôt le tas, alors, qui a un pluriel, Berniou, hein. Berniou, pour pluriel régulier, qu'on emploie aussi dans le sens de beaucoup, hein. Berniotude, hein, des foules de personnes, hein, des foules de gens. Au Berntud ou à Bavoir Vulat, hein, DL, bon, voilà. Alors, il y a des dérivés, Berniadur, par exemple, hein, qui est l'entassement, hein, qui est un mot masculin, et puis beaucoup d'expressions, hein, avec ce mot Bern, hein, Tölderbern, par exemple, jeté au rebut, hein, souvent autrefois le tas d'ordures a été pas loin, hein. Bon, mais il y avait un endroit comme ça qui servait à jeter tout ce dont on avait plus besoin, hein, donc Tölderbern, hein, à la jaille, comme on dit dans le pays gallo. Alors Bernoir-Verne aussi, hein. Bernoir-Verne, c'est superposé. Alors on trouve ce mot-là, Bern, dans beaucoup de chansons, hein, beaucoup de. Par exemple, dans le Barzazbreiz, hein, dans le vassal de Du Guesclin, il y a un endroit où on dit « Ag porz l'air ur puce, ag zo l'un eskern ». Et dans la cour, il y a un puits qui est plein d'ossements. Hein. « Ag uel or uel, bemnon ze gresque bern ». Et de plus en plus haut, hein, chaque nuit, monte le tas. Mmh. C'était au château de Pestivien. D'accord. Oui. Donc c'est dans une chanson du Barzazbreiz, hein. Le vassal de Du Guesclin, qui est Jean de Pontorson, qui va chercher son parrain pour venir mettre le siège devant Pestivien, ce qui a été fait d'ailleurs. Et le château a été pris par Du Guesclin. Alors voilà, donc le sens de tas, alors, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Bernplus, hein, on disait « Oh, quider Bernplus hein. !» Ça, c'était la catastrophe quand le tas de paille tombait. Au Bernvoen, hein, au Bernquat, hein, au Bernpato, au Bernmaïs, au Bernmeigne, hein, un tas de pierres. Voilà. Donc, il y a un mot aussi qui est Berniat. Berniat qui désigne un stock, hein, un stock de quelque chose. Voilà. Et puis le verbe, hein, Bernian. Donc, Bernian, hein, qui est entassé, hein. Et donc, le participe passé, Berniad. Alors, il y a une différence entre Bernian et Oberbern. Hein. Quand on faisait le tas de paille, hein, par exemple, hein, celui qui faisait le tas de paille, on disait Oberbern. Hein. C'est-à-dire, c'est Bernian, ce serait entassé un petit peu en vrac sans trop faire attention. Tandis que Oberbern, c'est vraiment un tas qui est conçu pour tenir, pour pas s'effondrer, quoi, voilà. Bernier aussi, c'est l'entasseur, hein, celui qui va faire le tas. C'est aussi employé, je l'ai vu l'autre jour dans Ya, je crois, pour dire un cumulard, Bernard. C'est lui qui va cumuler. En parlant des mandats. En parlant des mandats politiques, oui. J'ai trouvé ça assez marrant, ouais, Bernard, hein, qui entasse des mandats, quoi. Alors, il y a deux expressions avec Berne qui sont un peu contradictoires, hein. C'est d'une part, boudoir à Berne, être sur le tas, donc c'est être riche, hein, être assis sur la caisse, là, c'était, j'avais entendu cette expression-là. Bon, être boudoir à Berne, hein, donc être sur le tas, être riche. Hein. Et Monderberne, c'est se ruiner au contraire. Hein, aller en français, d'ailleurs, ça se dit aussi, hein, aller au tas, mais oui, plutôt dans le sens avec une voiture, par exemple. Hein, mais Monderberne, hein, c'est se ruiner. Hein. Bon. Il y avait un proverbe qui disait, par exemple, quand on dit boudoir à Berne, hein, être sur le tas, c'est Gwellare boudoir à Berne et vide kitchen. Il vaut mieux être sur le tas qu'à côté, quoi. Oui, être assis sur la caisse, c'était Alexis Gourvenec qui avait dit ça, qu'il était assis sur la caisse du Crédit Agricole, quoi. Voilà. Il était sur le tas, quoi. Pour l'occasion, quoi. Un autre proverbe aussi, Berne n'est que Mammon. Ça, c'est très intéressant parce que c'est le principe du développement durable. Hein, c'est un tas n'est pas une source. Hein, c'est-à-dire que c'est l'idée que les ressources sont pas inépuisables. Quoi, hein. Berne n'est que Mammon. Hein, donc, hein, un vieux proverbe, hein, qui est tout à fait d'actualité. Hein. On pourrait en parler pour les ressources de la planète. Hein. Voilà, et ben, quelques expressions avec Berne, quoi. On a fait un peu le tour du tas. Trouver Berne, même Grette. On va passer à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Donc Henri avait commencé à nous parler des mots racines, il va poursuivre aujourd'hui. Oui, alors voilà, j'avais voulu montrer que, en fait, par exemple, pour créer des nouveaux mots, des mots scientifiques ou des néologismes, le breton revient sur ses propres mots, qui deviennent à ce moment-là des racines, et ne va pas chercher, comme en français, des mots latins ou des mots grecs. On pourrait dire aussi des mots anglais aujourd'hui, mais c'est un autre phénomène, puisque dans les mots anglais, on prend pas des racines, on les modifie pas, on les prend tels quels, quoi. Et puis et on les met dans la langue, alors ça fait du franglais. C'est même de l'anglais carrément dans le français, quoi. Alors donc c'est un autre phénomène que la construction à partir de racines. Alors pour les racines latines, les racines grecques, hein, qu'on trouve. Le breton, au contraire, essaie de trouver des mots qui font qu'un néologisme, normalement, doit être compris immédiatement. Par exemple, pour à distance, hein, on va dire télé en grec, hein, télé, je sais pas moi, téléenseignement, télévision, téléphone, télé, tout ce qu'on veut. Et le breton va utiliser la racine pelle, qui est un adjectif, hein. Par exemple, il va dire pelgoms, hein, pour le téléphone, hein, ou pour téléphoner, hein, pelgoms, parler à distance. Alors il y a des néologismes comme télécommander, par exemple, pelgamen, hein, Donc voilà. Pelle-Gargan aussi, on l'entend de temps en temps. Hein, c'est télécharger, hein, pour télécharger quelque chose sur Internet, par exemple. Hein. Pelle-Vleignan, c'est téléguidé, et puis on peut en créer plein, hein, tout ce qui se fait à distance. Alors, une autre racine, par exemple, hein, iso, qui vient de isos, hein, qui veut dire égal. Donc, on va utiliser, par exemple, henvel, hein, par exemple, pour isomorphe, hein, morphe, alors morphe aussi, ça vient du grec, hein, et donc on peut utiliser henvelostum, hein, souvent dans les mots, la racine morphe est traduite par stum, voilà. Isotherme aussi, henvelogroes, hein. Voilà, on reparlera peut-être de la racine terme. Alors le morphe, on le trouve dans plein de choses, hein, morphologie par exemple, hein, stumadures, hein, donc à partir de stum. Polymorphe, hein, du grec polus qui veut dire nombreux, et donc on va dire liestum par exemple. Alors pour tout ce qui est nombreux, il y a plusieurs façons, hein, en français. Il y a polus, il y a multi aussi qui lui vient du latin, hein. Et donc on va par exemple polychromie, hein, polychrome, hein, lies liu, et on aura multicolore, polychrome multicolore. On peut avoir le franc latin ou le franc grec. Tout ça fera lies liu en breton, quoi. Chroma, alors c'est pareil, hein, ça vient du nom couleur, hein, donc en grec. Voilà. Alors polyculture, par exemple, on va dire lies trevad, hein, voilà. Polygamie, lies grec. Hein. Il y a la polyandrie dans l'autre sens. Hein. Polymorphe, lies stum. Hein. Voilà. Polyphonie, lies moes. Polysoc, pour une charrue, lies sor. Voilà. Et il y en aurait plein. Hein. Bon. Voilà. Alors. Bon, pour pluri, on va avoir l'emploi de lies comme ça. Hein. Par exemple, pour multiplier, on va dire liesat. Hein. Voilà. Alors, le contraire, c'est mono, hein, qui vient de seul en grec, hein, monos. Alors là, on va avoir simplement une. Hein. Un liu, par exemple, c'est monochrome. Il y a des gens qui font des tableaux monochromes. Une seule couleur. Ça paraît pas très dur à faire, mais enfin, bon, il paraît que... voilà, un monochrome, hein, toute la toile a la même couleur. Quoi. Bon, alors, bon, d'autres racines, par exemple, micro, hein, qui veut dire petit, hein, et macro, qui veut dire grand. Alors là, on prend simplement... alors les racines en breton, hein, bras et biana, voilà. Alors il y a encore, on pourrait continuer longtemps comme ça, mais ce que je veux montrer, c'est essentiellement que le breton travaille à partir de ses propres racines, qui sont en fait des mots, souvent des mots courts, hein, qui peuvent être utilisés comme racines. Par exemple, en français, on emploie souvent anthropo, hein, alors, du grec anthropos, qui veut dire l'homme. Et à ce moment-là, en breton, on va trouver des mots avec « den » ou avec « tut ». Par exemple, anthroponymie, « studi en oyon tut », hein, « studi en oyo tut ». Ou alors « studi en oyo undut », hein, voilà. L'anthropophage, « deber tut », hein, tout simplement. Alors, un préfixe qu'on trouve souvent, c'est « géo » aussi. Géo, du grec gé, qui est la terre, hein, on trouve ça dans les mots croisés. Eh bien, on va trouver, par exemple, douarognus pour la géographie et douarnourius pour la géologie. Voilà. Alors, là, ça va, c'est pas trop long, parce que il faut reconnaître, en breton, des fois, des néologismes que moi, je trouve un peu longs. Hein, tout ce qui est en idigues, hein, des fois, on les rallonge, hein. En français, on fait ça aussi. Hein. On dit résoudre, ça donne solution. Solution, ça donne solutionner. Et pourquoi pas solutionnation, hein. Il y a aucune raison de s'arrêter, quoi. Voilà. Une autre racine qu'on a utilisée aussi, c'est ment, par exemple, la taille. Hein. Par exemple, pour géométrie, mentonius. Hein. Voilà. Le géomètre étant mentonio. Voilà. Bon, un dernier pour terminer, thermon. Hein. Donc, la thermon, c'est chaleur en grec. Hein. Ça avait donné le nom du mois de Thermidor, hein, qui est le 11e mois du calendrier révolutionnaire, là. Donc, du 19 juillet au 18 août. Il y avait un forgeron à Pommeritte, une vingtaine d'années après la Révolution, que les gens appelaient Thermidor, parce que c'était un rouge et il avait continué à utiliser le calendrier révolutionnaire. Yves Le Floic, voilà. Donc, par exemple, thermogène, hein, qui engendre de la chaleur, on va dire grésus en breton. Voilà. Donc, le mot grés, hein, qui signifie la chaleur, hein, donc on va lui, enfin l'un des mots qui signifie la chaleur, hein, il y en a d'autres comme tomdor par exemple, on va l'utiliser comme mot racine. Bon, un autre exemple, par exemple théos qui veut dire Dieu, hein, théophile par exemple c'est celui qui aime Dieu. Hein. Alors ça c'est phil hein, qui vient de philein qui veut dire en grec aimer. Hein, par exemple, Philippe aussi, ça veut dire qu'il aime les chevaux. Hein. Voilà, ça on traduit rapport, on dit vulup en breton. Mm. Voilà. Donc tout ce qui est, par exemple, en breton, où on a Théo, ça va traduire par doué. Hein. Studi doué, par exemple, hein, ou skiant doué pour la théologie. Mm. Et bien, on va s'arrêter sur la théologie. Eh bien, on passe à la troisième partie d'émission, Petrazone Viervro. Troisième partie d'émission, Petrazone Viervro Eri. Ma calze drauzo ne Viervro, hag ham de gomans vel custom, qui est sa custom gant la bourdouar, hag ur vue war armez. Erion bremen, ba namz ur un distro skol, pe un diskar amzor, tramene de nan, hag bra war ebe de namz ur benefin, pa de nan, neus ke me ba mizez oa vreskor un tam, met drevraz mambet bra ur un amzor amman. Vide les rêles, babro vrance. Hag, c'est us au bit, calze douriste de babreis, blâme. Bon, dreistol et vel juste, war nodou, hein. Même me strave et gwelet, on eba mal de dud, tonne de vacances, si vraiment, ma kreis breis. Hag, zézon dravad, vide un dud, vide ka daran prédou, hag, vide un économie eus œuvro. Hag, calze drau ve kinig de reta, de feage y am ba breis, da skouer blas om eus gwell vi jegred kentelio dans, vi de touriste, de bon baleaden ou mont vel un trau, bon, hag bon zezo an dravat, hag moyen zo de grez ki c'hoaz war an dachen ze. Bakarez vi komp zon tamm de ze labour dou ar oaz zo o sacré labour bromen gant eus tal labour sinutra, vidop ur lez dizeret, hag ba daouvil pemzeg vo digor de stal, hag vo implijet kalz lez, vi kaz de brochin oa l'air o vej dizeret. Me stra zo bet ur gwalzar vout zo bet, peogwir zo bet lâret an den war voir chanter, hein, de ce que voit le belzo. Mais bon, dis c'est mon con. Bon, sais-tu, Widerstall, Sinutra, Velmuslaret, bah, Crazy Blood, ou Vilpemse, que de l'effet Bouddhigouret. Bon, Hendel, Mus Bikleev, doit, ouais, montré, Guinis au Bézère de Breis, Perugun Dragon, Bopet, des Orguinis, Zobé des Airs et Mod, Rogue Glow, Ag, Horniowell de The France, ne manque qu'on ma mesmote, puis dur, bon, Guinis, Wak, Walvat, c'est du Bromen Véclas, que doit, Guinis, Breis, évidemment, Borbar, ma treizen, vos, ben, ben, Blayo de Zonde, vos, Cresque de Guinis, d'Orbar, bon, Kakal de Guinis, Végrède, et Vie de Londres, des Veljust. Ebreis, Bromen, ou Dachenel, Vézavet, Kaz de Dluzet, Pétrut et Velar, un certain tut. Agen Dluzet, Zolonde, de, un inque custom de Zibi, plantain, ou d'un bleu, hein. Mais bleu de témoigne, mais de bleu de graine, grande pisque d'elle. Ag, bah, Suzan, arme, une classe, que pis sa moudre, me fait bien moyenne de vargan, pesquetze, un dluzet, quand planté nous, et vel colzav, pis maïs, à mesan, on a une tosse de zon de ben, de zé, ag, massen, prestit vocave de, bah, war, marad, de dluzet, maget, quand planté nous, des trucs végétariennes. Bon, zé, me fait bien mal, vide un andro, quoi. Bon, Pévein plié de rio le bleu de pesque de Nick Mavin en andro. Enfin, gouelle de vos pesamo de vos comptes. Ma vos caves de zen glus et ça. Bon, au végère de un trévadou, ve, amzer homiso. Ag, arzobé de homis, bacalan, le vide canton de Calac. A bah la rue, le vide canton de Saint-Nicolas. Ag, bah homis, ve calze dud, mais, Neptor Londe, Zom et Mestravi de Gwegen, a dommagé qu'à Homis ou l'air plus juste de Nongrave ou de Agazuroir, vous aurez de Clasque Pessamo, de Ober et Vidigas, Londe, Roise, voir Homis. Gwelle de vos Pessamo, vos comptes. Bah, plug, n'est que de Homis ou bin, mais de Gwelle vide patates, puis Gwelle pato, puis dur gouderet, bah, plug, ou abé de crou de Or pato BF Pemsek, ag boué, bon et deux de plug de vous non tombe tierben de pato. Ag ouspensis au gré de l'air et vide mirou de wenou, l'air zo mesong quand a perrugen wen pato. A c'est une bonne galerie d'un plug pévelal, pépieux velvelal, ben galowek, zo kierben or patates, pé pato, en mauvais l'art de pato. War an dach en labourdou ar oaz, vi gen amzer eve kondang le bro Franz, gant les varn bro Europa evi de nitratet. Pe guir e di e fedus politiker ez bro hal, war an dach en ze. Hag bon, vi gen amzer di se ve kondang le bro Franz, ve tan mal et bro Franz, pu dur ne ke vidon de ben de ze kud en nitratet. On tant war ma mestachen, Neus ket gwall belzo a bet ur foar biozone ba mur, hag aze e blamm oa komp ze kalze zen dour. A kalze dud so bet ba voar biozone ba mur. N'or ket bet? Non. Non, minon ket bet blamm, mais men e blamm ba trezen. Bon, war an da chenel, roaz, labourio vo gret bromen war lignen hentou an tre gwen gant ma karez, pa de betafin mis du, me zang. Hag ne vo ket rañ o tin war linen ze, setu vo ret tapo kiri boutin, ba plaz en trañ o. Hag ma meus mod vo gret war tre plouar da la nuen, zezo pat pem permis me zan. Bon, setu, bon, zezo zebl an mat, kam ave le gret labourio war lineno hen touar, ne zebl an mat, evize, evit ur vo. Digor de poulneuil al bagouarek, bon, c'est au bide, grède quand, CCKB, hein, bonne ville classe que n'est, en bopet. Hag, bon, vraiment, au moyen, donc, de Nayal de Gouarek, hein, hag, c'est au Ndrava, de Veljuste, et Vidorvro. À Bagouarek, c'est au bide, Igor, Neskugal Bezo, Hoy, Hoy, ou eu cause, mais de bide han nevezet, hag bon vo moyen d'or kalz de draou ba ho eu ba gwar hag, bon kele ir mad evit gwar hag. Hat krog, me vel meus laren, hat krog an e skol, a kalz de reuz eus obet de blam gant de pudur zo echange de lusk, hein, bon war skol, ave la bourre de mer ar de beurre, a set u bon zéchange a kalz de draou evit ker an d'ar vugale, bon hag gret ve traou neve ba skol, un tap ve gret ze. Bon, vid an brezon, n'eo gne ke chanj e kalz, un traou, vel just, un peu dur e ster tre, krou in klas o neve ba n'enten di ou yezeg. Me mestra, traou ar meus gwelet oa gret an dra a brau, oa dachen eus evenadur, gant zo gret o garten neve, deus breiz, gant daou gelener, an an zo deus kalak, hein, Mikael Koumeler, me semble, ce que j'en neus gret ze gant onel, hag zo breiz gant pem departement, hag garten ze zo warantu zo galag a warantuel zo brezondek. Hag vo kasset de skolioù houlo ze, hep peyan, pudur e peyet gant rand vro, hag un daou gelener an eus labour de eioul vat, vimon. Bon, ba fin de mis her e oaz pe vem komz deus leverio, vo gret gwell ar leverio ba karez, hein. Bon, zizo ondra vad, hein, or salon ze leverio, a blam oaz vo gwell kalz skrivan erien o ton de ginnig o leverio de len erien. Komz eo meus deja ya deus hoi gwarek, n'eus ket gwall belzo oa un tamm oa ma mestachen ne ket ar leverio me ar filmou oa gwell ar filmou ba douar nene hag blamm oa tredouar e je vid ar filmou a brezondek pudur ne oa ket met ar film a brezondek a oa un di an av rog an an e raun un film ze oa ranke de spet ar gomz ma trezen vo gwell ar vechpenek ba un tu menek da Neus ket gwar ma meus piv neus gret ar film. Oak lak war a gazet, hein, l'er meus lennezi. Bon, neus ket gwall pelzo, roaz oa belid de Diabla, Nugens de Diabla, skolu el Lokarn, in galag e l'Institut Lokarn, oa be krou et gant Jan Ber Roch, a Joseph Le Bihan, zo ginnig deus Lokarn. Bon, be peus tro zo war de gled Joseph Le Bihan war rogin ou RKB ba nabad un tud de zeuvro. Bon. Hendel oaz bon ba lise diwan ba karez zo tregon skolia de mu or blam hag ma veder a dis vo red bras a de skol a petamman or onel. Bon, mon classe good, pesamo d'obor. Bon, c'est tu grand même mon temps trop ar pesonné vers vro. Gabine vegel au volar, ar oas. Gabine vegel, Eri. Ya, t'il en vegel, Anne. Hein.